me lance dans le vide, je suis ce marabout qui meurt d'envie, les yeux révulsés fuyant le gars d'avoue, préférant ramper dans la boue plutôt que marcher au pas sur la route. Mes rimes mystiques sont des gris-gris que je distille sur des rythmiques, tel un pistil dans ce bis-bis. Quelques touches d'huile qui font tache brille dans l'acrylique. Dure et la turpitude, nature dépitée, ne sachant plus débiter face à des murs s'effriter. Sorcellerie, vaudou pour un sérieux coup de blues, ma poupée de toutes parts est percée par les vautours. À bout de souffle, je poursouffle, mais pour tout sont tout pour. Je cherche un nouveau départ, mais je suis en bout de course. Une amulette pour exorciser et quelques osselets pour ensorceler. Je déblatère sans interruption mes incantations dans cet univers délétère, terre à terre sans sensation. J'entre en transe au milieu des vapeurs, couvert de braise dans mon assaise, à milieu des clameurs. Paupières mi-closes de teint blême, la main tremblante, je me déplace lentement, sans bruit comme en lévitation, marmonnant d'obscures paroles, je baisse la tête, prends la tangente, et ta seconde, je me sens serein pourtant, prêt à l'explosion de sanglots, de rire, de colère. J'ai pas encore en fait, c'est pas moi qui décide, je dessine, dessine, trépigne, frénétique, tandis que mon pinceau saigne, que le tissu s'imprègne de toutes mes confidences, la fleur de mon intimité, mes secrets les plus denses, la foudre me transperce, je crache ma bile par convulsion, puis jette une allumette pour entamer la combustion, un feu gigantesque s'éveille alors et enveloppe. Je danse en son sein, saute comme une antilope. Tout s'éclaire, je vois au plus profond des choses. Le monde se révèle dans les crépitements des braises. Je suis le tout, l'ensemble, la globalité parfaite. Je boue, je tremble, ça va calciner ma tête. Je tourne sur moi-même et finis par glisser à terre. Les flammes accompagnent mon ascension spirituelle. Mon corps s'endort, mais mon esprit parcourt le ciel.